Par exemple, on entre l'ambi, on m'a des clés, on bat femme dans les bras, on sortit dans la barrière, on va marcher. Quand on arrive sur là, on fait colonne à droite. On marcher. Quand on arrive dans l'autre barrière, on fait colonne à droite encore. On arrive en dedans, on fait colonne à gauche. Allez que les portes la vie en face. On va aller clé. On va mettre là-dedans. Là où ouvrez porte là, là où ou poussez là-dedans, là où sortant de ya, bâton dans la classe, bâton dans la classe, bâton. Regardez non, elle est tellement bon pour moi, je sais qu'elle est. Il est suave, suave, ou c'est pour un son d'abord 10. Aïe aïe aïe. C'est alors vous entrez dans un club là, l'équilé, vous achetez boisson, vous achetez manger, et vous tombez dans ça. Et puis, dans danser, ça qui arrive, ça que la fille a dit, monsieur, chérie, moi, je vais là, puis vous fâchez, non? Monsieur dit, foutre, dis-moi, soit bien, non, pour foutre dans des roues. Monsieur commence à énerver, hein? Oh oui, chérie, prenez ma tasse avec vous là. Dans mon contingent, 99. Plus 1. 99 plus 1, ça donne combien? Ça donne 100. Parce que nous, on a qu'à l'école. 99 plus 1, ça donne rouge. Et puis, monsieur Vexé, monsieur Diffia, ça comprend. Moi, je fais un bon intéressant pour petit carotter. Chargé avec Zepina la donne. Un petit carotte chargé avec Zepina. Ça doit faire pour lui comme ça. Qui ça doit faire pour lui comme ça? Fais expérience. Baba de l'eau matin. Baba de l'eau à midi. Baba de l'eau à souhait. Ou est-ce qu'il va foutre gâté dans mes mains? Là, on va vous dire comme ça. On va changer de 3 fois par jour. 3 fois par jour. Balti l'eau. Balti l'eau. Balti l'eau. Balti l'eau. Bon, si c'est vraiment foutre sermenté, vous mettez de toute prière par une bonne Dieu. Mais prière pas de foutre rivé quand même. Qui que ça soit comment. Qui que ça soit comment. Que la police bondit, donnez-moi votre affaire. Ça dépend, pas ma femme, ça dépend, fou tout à fait, ça dépend, hey, pas ma femme, ça dépend, pas ma femme, ça dépend, avec la foi, ça dépend, l'espérance, ça dépend, sans la charité, ça dépend, pas ma femme, ça dépend.